que l'on grandit souvent trop vite, que déjà le temps nous est compté, qu'il va falloir en profiter. La petite enfance, l'adolescence, premières amours, premières souffrances. Heureusement le temps est là et il fera passer tout ça. À coups de mois, à coups d'années, le temps qui passe nous est compté. Un peu d'audace pour avancer, mais dommage que l'on ne puisse pas reculer. Et pourtant quand je les regarde, tous ces hommes un peu vieillis, traînant derrière un passé qui s'enfuit et qui s'oublie, accrochés à un fil d'Ariane qu'ils ont déroulé jusqu'ici, un petit fil qu'ils lâcheront pour nous montrer que le temps a raison. Et c'est pour ça qu'il va falloir se dépêcher sans trop traîner, pour pouvoir tout réaliser. Et c'est pour ça qu'il va falloir en profiter, car ici, tout est chronométré. Et c'est pour ça qu'il va falloir se dépêcher sans trop traîner, pour pouvoir tout réaliser. Et c'est pour ça qu'il va falloir en profiter, car ici, tout est chronométré. Premier bébé tout juste né, déjà trop grand pour ses parents, qui pleure de ne pas l'avoir vu grandir, qui pleure de ne pas avoir su quoi faire le jour où il a décidé de partir au bout du monde et sans revenir. Peut-on vraiment arrêter le temps? Certains ont essayé dans les romans, mais la vie c'est bien différent. Chemin tracé pour les croyants, destin croisé, on a bien le temps, disent certains en rigolant. Et pourtant quand on se retourne, on revoit toutes ces années déjà passées et regrettées, comme les choses tant aimées que l'on cherche parfois à retrouver ou que l'on essaye d'oublier, les choses qui nous ont fait avancer, les gens qui nous ont tant manqué. Et c'est pour ça qu'il va falloir se dépêcher sans trop traîner, pour pouvoir tout réaliser. Et c'est pour ça qu'il va falloir en profiter, car ici, tout est chronométré. Et c'est pour ça qu'il va falloir se dépêcher sans trop traîner, pour pouvoir tout réaliser. Et c'est pour ça qu'il va falloir en profiter, car ici, tout est chronométré. Et c'est pour ça qu'il va falloir se dépêcher sans trop traîner. Et c'est pour ça qu'il va falloir en profiter.